faim. Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres. Je déjeune toujours d'air, de roc, de charbon, de fer. Mais faim, tourné, paissé, faim, le pré des sons, attiré le gai venin des liserons. Manger les cailloux qu'on brise, les vieilles pierres d'église, les galets des vieux déluges, pain semé dans les vallées grises. Le loup criait sous les feuilles, en crachant les belles plumes, de son repas de volaille, comme lui je le consume. Les salades, les fruits n'attendent que la cueillette, mais l'araignée de la haie ne mange que des violettes. Que je dorme, que je bouille aux autels de Salomon, le bouillon court sur la rouille et se mêle au cédron. Enfin, au bonheur, au raisin, j'écartais du ciel l'azur qui est du noir et je vécus, étincelle d'or de la lumière, nature. De joie, je prenais une expression bouffonne et égarée au possible. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Mon âme éternelle observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc tu te dégages des humains suffrages, des communs élans, tu voles selon. Jamais l'espérance, pas de rieture, science et patience. Le supplice est sûr. Plus de lendemain, braise de satin, votre ardeur est le devoir. Elle est retrouvée, quoi ? L'éternité. C'est la messe éternelle, mêlée au soleil. Toujours trop immense pour être dévoué à la force et à la beauté. Bad, Matuti, Christus, Bet, dans les plus simples films. Ô saison, ô château, quelle âme est sans défaut. J'ai fait la magique étude du bonheur, qu'aucun n'élude. Salut à lui, chaque fois que chante le coq gaulois. Ah, je n'aurai plus d'envie, il s'est chargé de ma vie. Ce charme a pris âme et corps, et dispersé les efforts. Ô saison, ô château. L'heure de sa fuite, hélas, sera l'heure du trépas, sera l'heure du trépas. Ô saison, ô château. Cela s'est passé, je sais aujourd'hui saluer la beauté. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer, mêlée au soleil. Arthur Rimbaud.